Psaume 126. Cantique de Mahalot. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui songent. Alors notre bouche fut remplie de joie, et notre langue de chant de triomphe. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses à ceux-ci. L'Éternel nous a fait de grandes choses, nous en avons été réjouis. Ô Éternel, ramène nos prisonniers, en sorte qu'ils soient comme les courants des eaux au pays du Midi. Ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chant de triomphe. Celui qui porte la semence pour la mettre en terre, ira son chemin en pleurant, mais il reviendra avec chant de triomphe, quand il portera ses gerbes.